J'ai rencontré les vices de la vie de star connue. Le soir souvent je pense à ça. Arrête ton cinéma, je sais que tu m'as reconnu. J'ai pas changé, toujours avec mes gars. Est-ce que t'y crois encore? Est-ce que tu repenses à ça? À quand on était môme? Bah non t'étais pas là. Est-ce que t'y crois encore? Encore une dernière fois. Est-ce que t'y crois encore? Est-ce que tu me parles sincèrement ou pour te faire un billet? Est-ce que tu parles de moi dans mon dos juste pour m'oublier? Et tant qu'on y est, entre nous c'est plié. L'argent attise la haine, faut que je me débrouille seul pour briller. Comment je dois raisonner? Maintenant que j'ai décollé, plus rien ne peut m'étonner. J'ai rencontré les vices de la vie de star connue. Le soir souvent je pense à ça. Ton cinéma, je sais que tu m'as reconnu. J'ai pas changé, toujours avec mes gars. Plus rien ne me fait mal, là, là. Je vais continuer de faire du sale, là, là. Plus rien ne me fait mal, là, là. Si j'étais personne, tu serais pas là, là, là. Est-ce que t'y crois encore? Est-ce que tu repenses à ça? À quand on était môme? Bah non, t'étais pas là. Est-ce que t'y crois encore? Encore une dernière fois. Est-ce que t'y crois encore? J'suis toujours dans la vue, elle veut me donner son cul. J'ai juste une question bête, ça mon buzz t'aurait voulu. Peut-être que j'suis cru, c'est parce que j'ai tout vu. Arrête ton cinéma, je sais que tu m'as reconnu. Comment j'dois raisonner? Maintenant que j'ai décollé, plus rien ne peut m'étonner. J'ai rencontré les vices de la vie de star connue. Le soir souvent je pense à ça. Arrête ton cinéma, je sais que tu m'as reconnu. J'ai pas changé, toujours avec mes gars. Plus rien ne me fait mal, là, là. Je vais continuer de faire du sale, là, là. Plus rien ne me fait mal, là, là. Si j'étais personne, tu serais pas là, là, là. Sans doux et j'envoie, c'est pas donné. Sans vous, je serais pas doux et j'avouerais. J'ai presque plus de frères, mais tant qu'il y en a, je vais continuer de faire du salalala.